Bienvenue à la portion Mishmash des Palmas Massifs pour la semaine du 2 au 8 octobre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Talia Baudin est toujours absente pour cette portion de l'émission, mais sera de retour pour la portion top 10. Ne vous en faites pas trop. Donc, cette fois-ci, dans les Palmas Massifs, portion Mishmash, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est la portion où on écoute les pièces qui ne sont pas dans le bas des palmarès, ni dans le sommet. Donc, c'est le milieu, le Mishmash. Tout ça et des chroniques, entre autres, c'était fou. On va retourner en arrière en 2002 dans la portion anglophone pour célébrer les 20 ans de C'est fou. On va aussi dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées dans Palmas in Peace et... Peace. Et si on a le temps, on va même aller voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. La dernière fois qu'on s'est parlé, on était rendu à Rosie Vallant en 14e position francophone. Donc on va entendre la 14e position anglophone pour débuter avec Mise en scène et Closer qui descend de 6 places. Suivons les positions numéro 13, Nicolet et Raised on TV. Mais on commence avec Mise en scène tout de suite dans les palmarès. C'est fou! 16. TV et Shower Work Repeat. Du côté anglophone, c'était la position numéro 13. Avançant francophone, Nicolet avec La Mystification. C'est la pièce qui sonne comme si elle était sur une cassette. Et avant d'entendre Mise en scène avec Closer qui descend de la 8e place. Maintenant, avant de poursuivre avec les 12e places, Tire le Coyote et Daniel Romano. C'est le moment d'aller voir ce qui nous a quittés depuis les dernières semaines. En fait, depuis la semaine dernière, il y a seulement 4 pièces qui nous ont quittés. C'est une petite semaine pour les nouvelles entrées. Donc voici Palmer, Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Et à la station balnéaire, on t'offre l'espace. Tu n'espères que le lendemain, quand ton corps quittera le sien, tu monteras dans ton coupé MG qui arpentera la Oh. concernant les pièces qui ont quitté les palmarès depuis la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2017, donc la semaine dernière. Court, mais tellement savoureux comme bloc. On va dire au revoir à Félix Diot qui finit par... c'est quoi le verbe déjà pour finir sa plage quand une baleine? Eh, bâtard, hein, j'aurais pu chercher ce mot-là avant. Station balnéaire qui a duré 2 semaines. Quoi? 2 semaines? Je suis outré. J'ai acheté cette chanson-là sur YouTube tellement je l'aime. Fudge. On l'a fait jouer plein de fois, ça, je comprends pas pourquoi elle est partie, mais bon. Fudge avec Satan qui a duré 5 semaines. Founiap avec Wolf and Plath qui a duré 4 semaines. Et puis Hooded Fang a perdu son titre de reine, Queen of Agusan del Norte, qui a duré 6 semaines. Étant donné que Carl n'y a pas donné de chance à Félix Diot avec Station Balnéaire, seulement 2 semaines, nouvelle entrée, puis après ça, bye, va-t'en, hein? Ben, je vais vous la faire jouer. Et en plus, en bonne qualité, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de chansons de très mauvaise qualité sonore depuis les dernières semaines. Mais bon, celle-là maintenant, on l'a en bonne qualité. Donc écoutons-la, Félix Diot avec Station Balnéaire tout de suite. Au palmarès, c'est fou, 89 FM. Balnéaire, cette pièce-là vaut facilement 1$ comme j'ai payé pour l'acheter. Félix Diot, donc Station Balnéaire qui a duré seulement 2 semaines, malheureusement dans nos palmarès, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. On lui dit au revoir et on va continuer de le faire jouer même s'il n'est plus sur les palmarès. Vous êtes toujours au palmarès, c'est fou, on est revenu maintenant dans notre top. On est rendu aux positions numéro 12 en anglophone, Daniel Romano, un ancien numéro 1 il y a quelques semaines, qui est maintenant en 12e place, moins 2 pour lui, et Tire le Coyote est plus 4. En 12e francophone, voici des bras comme une muraille. Au palmarès, c'est fou. Standing in some astral plane where there are no shadows. did. I was searching all directions when you caught me, laying breathless as I tried to scream your name anywhere the wind would blow. Royal, my guardian of the soul, the empty days of old, I think they're over. For I smell oleander from the grove. Royal, your spirit is a dream that reaches daylight, blossoming inside you till it lay right on your tongue. To never tell no one, but you told me, I can hear it singing now. Royal, my guardian of the soul, c'est la fausse fin, il y a une deuxième fin qui s'en vient. Dire Romano avec Roy. Ah voilà, voilà la vraie fin. Daniel Romano qui est en position numéro 12, anglophone, sa descente de deux places. Avant c'était Tire la Coyote et Tes bras comme une muraille, qui monte de quatre places. Alors, quelques instants, on va entendre les positions numéro 11. En fait, c'est là-dessus qu'on va terminer notre palmarès avant de passer au segment C'était fou. 11e position anglophone, ce sera White Horse avec Pink Kimono qui descend de deux places, 6e semaine de présence. Et avant ça, en francophone, c'est Fria Moeras avec La peur des animaux qui monte de 4. Tout de suite au palmarès, c'est fou. En fait, dans quelques secondes. got things, things, things I wanna do to you. You, if you wanna do me too. Ooh, all the things I wanna do to you. I got more, more, more I wanna do to you. You, yeah, you know it's up to you. Ooh, ooh, when we gonna get to it? My baby mama in a pink kimono. My baby mama in a pink kimono. Sayonara, gonna ditch the halo. Hey, mister, take me over. Getting no sleep, I'm living a dirty dream with you. Up all night, just living a fantasy. It's true. No, no, no, nobody doing to me like you do. Avec Pink Kimono pour ce numéro 11 dans le fun et Fria Moeras avec la peur des animaux du côté franco. Maintenant c'était fou. C'était fou. Oh oui. C'est le bloc où on retourne dans le passé et c'est le 20e anniversaire de C'est fou cette année. Donc on retourne en 2002, on y va en ordre chronologique. Et dans le top 3, on a en 3e The Vines avec Get Free, en 2e Rob Zombie avec Feel So Numb. Et en cadeau, je vous donne une longue pièce très très très longue de Archive Again sur l'album You All Look The Same To Me. C'est pour ça que je parle vite parce que ça rentre à peine dans ce qui reste de l'émission. Donc voici le bloc C'était fou pour cette semaine en 2002. I'll take your butt. justicia y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Get me down. If I was to walk away, from you, my love, could I laugh again? If I walk away from you, and leave my love, could I laugh again? Again, am I still in your head? Could I love? La très longue pièce Again par Archive sur l'album You All Look the Same to Me. Avant ça, c'était Rob Zombie avec Feel So Numb sur l'album The Sinister Urge. Et avant ça, au début du bloc, The Vines avec Get Free sur l'album Get Free College EP. C'était les positions numéro 3, 2 et 1 de l'année 2002 au grand complet du côté anglophone. La prochaine fois, ce sera les positions francophones de l'année 2003. On se quitte là-dessus et on se retrouve soit demain pour les gens qui nous écoutent la semaine. On est du lundi au jeudi entre midi et 13h. Et la fin de semaine en édition week-end se continue dans quelques instants. Donc reste avec nous et on se quitte avec la pièce Again qui continue pour encore un bout. Bye!